Au moment où se produit si brusquement ce phénomène, le projectile rasait le pôle nord de la Lune. Fondu, disparu la Lune, s'était écrié Michel Ardan, tout ébahi. Le projectile, immergé dans le cône d'or du satellite, ne subissait plus l'action des rayons solaires. À l'intérieur, l'obscurité était donc complète. Le diable soit de l'astre radieux, s'écria Michel Ardan, qui va nous induire en dépense de gaz au lieu de nous prodiguer gratuitement ses rayons. N'accusons pas le soleil, reprit Nicole. Ce n'est pas sa faute, mais bien la faute à la Lune, qui est venue se placer comme un écran entre nous et lui. C'est le soleil, reprenait Michel. C'est la Lune, ripostait Nicole. Une dispute oiseuse à laquelle Barbicane mit fin en disant « Mes amis, ce n'est ni la faute, ni au soleil, ni à la Lune. C'est la faute au projectile qui, au lieu de suivre rigoureusement sa trajectoire, s'en est maladroitement écarté. Et pour être plus juste, c'est la faute à ce malencontreux bolide qui a si déplorablement dévié notre direction première. « Bon, répondit Michel Ardan, puisque l'affaire est arrangée, déjeunons. » Le déjeuner terminé, les observateurs avaient repris leur poste. Mais, au milieu de cette nuit noire, toute observation du disque lunaire était interdite. Seules les constellations sollicitaient leur regard. Rien ne pouvait égaler la splendeur de ce monde sidéral, baigné dans le limpide éther. Ces diamants incrustés dans la voûte céleste jetaient des feux superbes. L'imagination se perdait dans cet infini sublime, au milieu duquel gravitait le projectile comme un nouvel astre créé de la main des hommes. Par un effet naturel, ces constellations brillaient d'un éclat doux. Ces étoiles, c'étaient de 12 yeux qui regardaient dans cette nuit profonde au milieu du silence absolu de l'espace. Longtemps, les voyageurs, muets, observèrent ainsi le firmament constellé sur lequel le vaste écran de la Lune faisait un énorme trou noir. Mais une sensation pénible les arracha enfin à leur contemplation. Ce fut un froid très vif qui ne tarda pas à recouvrir intérieurement la vitre des hublots d'une épaisse couche de glace. En effet, le soleil n'échauffait plus de ses rayons directs le projectile qui perdait peu à peu la chaleur emmagasinée entre ses parois. Cette chaleur, par rayonnement, s'était rapidement évaporée dans l'espace et un abaissement considérable de température s'était produit.